Merci Maëlys, on vous retrouve lundi pour d'autres nouvelles de l'économie. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernier jour de notre série en 4 épisodes consacrée à Francis Scott Fitzgerald. Une émission que nous devons à Laurence Genepin, Laurane Travaglichanal, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Rafik Zénine et Anthony Thomasson. C'est l'histoire d'un écrivain épris d'absolu dans sa vie comme dans son art, qui crée quelques diamants littéraires avant de disparaître dans l'alcool. Né en 1896 et mort à l'âge de 44 ans, Fitzgerald aura tout connu des cimes et des vallées de la vie. Il est expert en dégringolade et c'est aussi ce qui rend attachant cet homme drapé dans une arrogance mal assurée. Sa vie, nous en avons parlé lundi avec sa biographe Liliane Kerjean dans une émission que je vous invite très fortement à télécharger sur notre site. Et puis mardi, la professeure Elisabeth Bouzon-Villers était avec nous pour évoquer un certain nombre des grands thèmes liés à Fitzgerald, comme le rapport à l'Amérique, à l'Europe ou encore à la guerre de 14 et la grande crise de 29. Hier enfin, nous avons d'abord parlé de Gatsby le Magnifique, avec celle qu'il a traduite sous le titre de Gatsby, tout simplement, c'est-à-dire Julie Wolkenstein, après quoi l'écrivain et éditeur Charles Danzig est venu nous parler du recueil d'articles de Fitzgerald qu'il a présenté dans la collection Les Cahiers Rouges chez Grasset et qui s'appelle Des livres et une Rolls. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, après la chronique de Marc Poré, nous serons rejoints par l'écrivain Gilles Leroy qui viendra nous parler de Zelda Fitzgerald. Mais pour commencer, nous sommes en votre compagnie. Antoine Cazé, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris Diderot, spécialiste de poésie et de littérature américaine. Vous avez écrit avec Marc Amfreville et Claire Fabre une histoire de la littérature américaine. C'est aux presses universitaires de France, livre qui date de 2010. Et puis, toujours avec Marc Amfreville, vous avait traduit le recueil de nouvelles de Fitzgerald, Garçon et philosophe, que l'on trouve dans la Pléiade. Et dans le même volume, vous avez également traduit le roman Loin du paradis. On va en parler, mais d'abord, on voudrait plus largement parler un peu avec vous de la question de Fitzgerald au sein de la littérature américaine. Et peut-être que d'abord, il faut définir un tout petit peu la spécificité de la littérature américaine. Vous posez d'ailleurs cette question, où en est-on avec la littérature américaine. Alors, on y va. C'est quoi la littérature américaine, Antoine Cazé? C'est une très vaste question. C'est une vaste question, mais nous n'avons peur de rien. D'accord. Mais je dois dire d'abord que l'histoire de la littérature américaine aux éditions PUF va connaître une deuxième édition. Ah. On vient juste de terminer la révision là, avec mes deux collègues. Donc, je ne sais pas exactement quand ça va paraître, mais au fond, c'est assez opportun d'en reparler maintenant, parce que le livre date déjà de 2010. Donc, voilà. On sera attentif. Voilà. Alors, la littérature américaine... Je ne sais pas par où commencer. Si, il faut commencer par sans doute les puritains. Ça remonte là au XVIIe siècle. C'est là que ça démarre. Et peut-être peu de gens le savent parce qu'on a tendance à associer la littérature américaine uniquement aux contemporains. Et alors qu'en fait, elle a déjà pas mal de siècles d'existence. Et cette veine puritaine très austère va quand même perdurer pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui encore. On en retrouve l'influence chez bien des écrivains dans le style, dans la manière, dans les thèmes, etc. Je pense bien sûr, pour sauter directement plusieurs siècles, à un écrivain comme Thomas Pynchon, qui lui-même issu d'une famille de puritains, et dont les thèmes sont très fortement rattachés à toute cette eschatologie, ce millénarisme, cette religiosité puritaine, de façon très, très, j'allais dire, organique. Donc ce serait ça la matrice un petit peu de la littérature américaine? C'est une des matrices, très clairement, c'est une des matrices. Et elle va se développer tout au long du 19e siècle. Hein. Je pense bien sûr à des auteurs, alors pour se rapprocher de Fitzgerald, des auteurs comme Hawthorne, comme Melville, bien sûr, et même le transcendentalisme d'Emerson, qui va évidemment se mettre en place en regard, ou plutôt en réaction à un puritanisme qui d'ailleurs au 19e siècle retrouve une certaine vigueur. Il va y avoir des tensions, beaucoup de tensions. Et je pense que c'est un cliché de le dire, mais l'Amérique est pétrie de religiosité. Et c'est un projet religieux au départ, l'Amérique. Hein. C'est un projet de dissidence religieuse. Et évidemment, ça a un impact fondamental sur l'ensemble de la culture, mais bien sûr sur la littérature. Et donc, on en arrive à Fitzgerald. Alors, on saute beaucoup d'étapes, hein, mais on est forcément obligé parce qu'on n'a pas trop de temps. Oui, Fitzgerald dans la littérature américaine, c'est une bonne question. Parce qu'il y a une autre chose aussi qu'on peut dire de manière générale, c'est la littérature américaine a un rapport spécifique à la France. En fait, il y a aussi une invention de la littérature américaine par la France. Et là, je pense bien sûr au cas absolument canonique et connu de tous de Edgar Poe. Edgar Poe traduit par Baudelaire, qui va être, comme d'autres écrivains américains, je pense que c'est le cas de Faulkner aussi, qui va être d'abord une découverte française, et qui va être d'abord un écrivain français, si je puis dire, via Baudelaire, alors que dans le même temps où Baudelaire le traduit, où Poe commence à avoir une notoriété, aux États-Unis, Poe est complètement déconsidéré. C'est un auteur qui n'a aucune valeur, qui est méprisé, qui est conspué, etc. Et ce n'est que plus tard qu'il va ressurgir, revenir sur le devant de la scène. Et alors, au fond, répondre à votre question, Fitzgerald, dans l'histoire de la littérature américaine, c'est aussi se poser cette question-là. Est-ce qu'on parle de Fitzgerald dans la littérature américaine telle qu'elle est vue par les Français ? Ou est-ce qu'on parle de Fitzgerald dans l'histoire de la littérature américaine tout court ? Bon, les deux sont indémêlables, mais je pense que Fitzgerald, il s'est jamais vraiment exilé, mais il a fait plusieurs séjours, dont certains longs en Europe, en France notamment, et aussi un peu en Italie, il a acquis une certaine, un parfum français, une aura française. Bon, évidemment, certains de ses romans se déroulent également. Voilà. Donc, on est là dans un. Il faut comprendre quelle vision de Fitzgerald on construit. Donc, il est à la fois un écrivain européen vivant aux États-Unis, enfin d'inspiration européenne, tout du moins, et un écrivain découvert par l'Europe. Je ne sais pas s'il est véritablement découvert par l'Europe, parce que. C'est pas tout à fait comme Poe quand même, j'ai comparé ça à Poe, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais il jouit d'une certaine aura, je pense, en France et en Europe, qui n'est pas tout à fait la même, ou sa réputation, ou son statut n'est pas tout à fait le même dans les lettres américaines en tant que telles. Mmh. Ce serait quoi son statut dans les lettres américaines ? Mais c'est difficile à dire, justement, parce qu'en fait, Fitzgerald est un complet autodidacte, il ne se réclame d'aucune école, il a une éducation littéraire extrêmement idiosyncrasique, originale. C'est seulement tardivement qu'il se met à lire les grands auteurs. Dans sa jeunesse à Princeton, il admire comme écrivain Booth Tarkington, qui est l'auteur quand même de La splendeur des Ambersons, qui a eu le prix Pulitzer en 1919, qui a été adapté fameusement par Orson Welles en 1942 au cinéma. Mais quand même, ce n'est pas un grand auteur, Booth Tarkington. Aujourd'hui, il est assez oublié. S'il n'y avait pas eu ce grand livre, on n'en parlerait plus du tout. Donc, il est tout à fait marginal, je dirais, dans la littérature américaine en tant qu'auteur américain. Et puis, à son époque, il ne participe pas des grands courants littéraires comme le modernisme, par exemple. Il se tient relativement à l'écart du modernisme, même s'il est très conscient à partir d'un certain moment de sa carrière littéraire, je pense au moment de Gatsby. Il commence à être très conscient de son artisanat littéraire. Il essaie de réfléchir là-dessus, hein, même s'il a des réponses assez intuitives sur qu'est-ce que c'est qu'écrire, mais... Et donc, peut-être moins sur le côté moderniste que sur justement l'espèce de mécanique interne au roman, qui est une mécanique très très précise, oui. Et qui n'est pas forcément dans l'invention, qui est peut-être d'abord dans la poésie. Oui, tout à fait. Mais juste pour dire sur le modernisme, si on le voit en parallèle de Hemingway, par exemple, qui a des relations un peu tumultueuses, ou de Faulkner, ou de Stein, je pense à, par exemple, Hemingway, Stein, les exilés américains à Paris, il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, en fait. Hein. Il ne se préoccupe pas des mêmes choses. Il est effectivement, alors vous avez raison, il est sans doute dans une recherche poétique plus personnelle, et qui est d'ailleurs très, très ancré, très, très lié à sa personnalité et à sa propre vie. Là, on entre dans peut-être un autre sujet. Mais... Sur les années européennes de Fitzgerald, je vous propose d'écouter Scotty Fitzgerald, la fille de Scott et Zelda, en parler justement. Madame Scotty Fitzgerald, vous êtes la fille du couple le plus plus charmant, le plus talentueux, mais aussi le plus tumultueux de la littérature américaine, c'est-à-dire Scott et Zelda Fitzgerald. Alors, vous êtes né aux États-Unis, mais à quelques mois après, vous auriez bien pu naître en France. Hein, oui, c'était très près. Oui. Alors, pourquoi sont-ils venus en France 2 ou 3 ans après votre naissance? Je pense que à ce temps-là, c'était la chose la plus romantique qu'on pouvait faire. Alors, ils ont fait le tour. Tous les auteurs que mon père admirait habitaient plutôt à Londres. Et ils sont allés à Londres d'abord, et puis à Paris, et puis à Venise. C'était le grand tour, comme Henry James, vous savez. Apparemment, tous les Américains qui arrivaient à Paris à ce moment se débouchaient des bateaux et commençaient à boire. Je ne comprends pas ça. Ah oui. Peut-être que c'est à cause de la prohibition aux États-Unis. Ils en profitaient, alors. Oui. C'était la chose qu'on faisait à Paris. C'est très drôle, n'est-ce pas? Parce que personne ne pense à ça maintenant. Mais alors, on est surpris, pas surpris, mais on est agréablement surpris par l'amour qu'ils portent à la France. L'un et l'autre, d'ailleurs. Oui. Et après que ma mère et mon père sont retournés aux États-Unis, elle a fait des très belles peintures que j'ai sur mes murs maintenant, de Notre-Dame, du Bois de Boulogne, de l'avenue de l'Opéra. Et elle adorait Paris. Alors, est-ce qu'ils ont appris le français? Non. Ma mère, un peu, elle parlait le français du boulanger. Mais mon père, non. Et je pense que peut-être pour les écrivains, c'est peut-être mieux de ne pas essayer d'apprendre une autre langue quand on est en train d'écrire. Ouais. Une interview de Bernard Pivot, qu'on avait évidemment reconnu, qui date de 1985, quelques mois d'ailleurs seulement avant la mort de Scotty Fitzgerald. Alors les rapports à l'Europe, vous avez commencé de le dire, ils sont primordiaux. Est-ce qu'on peut imaginer un Scott Fitzgerald sans Paris, sans la Côte d'Azur, ou ce serait quelqu'un d'autre, ce serait un autre écrivain? Ce serait nécessairement un autre écrivain. J'ai noté dans l'interview la référence à Henry James et au Grand Tour. Bien sûr, là, on peut aussi placer Fitzgerald dans une tradition de cette manière-là. Effectivement, il est comme tous ces écrivains américains qui se sentent illégitimes d'une certaine manière parce qu'ils n'ont pas toute l'histoire très longue de la culture et de la littérature qu'a l'Europe. Et donc, il y a ce Grand Tour que les écrivains font comme une espèce d'initiation à la véritable culture. En quelque sorte. Et il est vrai que le côté glamour dans les années 20 là, de la France, la Côte d'Azur, va avoir un impact absolument fondamental sur l'écriture de Fitzgerald. Alors c'est là qu'il rencontre aussi Hemingway. Tout à fait. Il est d'ailleurs quelqu'un qui va promouvoir le jeune Hemingway à ce moment-là. Oui, il va lire, notamment Hemingway lui fera lire le manuscrit de La Vie aux armes. Il va faire des critiques, il va essayer de dialoguer avec lui. D'ailleurs, Hemingway tiendra assez peu compte des remarques de son collègue. Et puis, on le sait, il sera pas forcément très agréable à son endroit. On se demande si c'est une réelle amitié. On a l'impression que Fitzgerald, en effet, admire beaucoup, aime beaucoup Hemingway. Mais on n'est pas sûr que le contraire soit vrai. Tout à fait. Ils se rencontrent assez peu, finalement. Et à chaque fois, Hemingway... je dirais pas le rabaisse, mais enfin le considère de façon assez négative, mais typiquement de la part de Fitzgerald, et il a eu la même réaction d'ailleurs avec son camarade de promotion de Princeton, Edmund Wilson, qui était un type très brillant, critique littéraire, culturel, qui le méprisait relativement, je veux dire en tant qu'écrivain, et à chaque fois Fitzgerald dit et il dit la même chose à Hemingway, tu as tout à fait raison, voilà, il se déconsidère. En fait, je pense que on le sait, hein, Fitzgerald en a bien parlé dans La Fêlure et dans d'autres textes, et en fait dans tous ses textes il est extrêmement hypersensible à cette fêlure en lui, en quelque sorte. Il se sent inapte. Et en même temps, il est quand même conscient de la puissance de son écriture. Mais complètement. Il dit qu'il veut être un écrivain génial. Il le dit et il le redit. Et sans doute, il le pense, quelque part, qu'il réussit à être un écrivain génial. Mais il est dans ce double, en fait. Il est dans cette fêlure, je pense que le mot l'exprime très bien. Il est dans cette dichotomie vis-à-vis de lui-même. Et donc, avec Hemingway, ses rapports sont, je ne sais pas ces rapports de compétition, mais sans doute quand même des rapports de compétition, ils sont, voilà, leur relation n'est pas simple. En fait, le reproche principal que Hemingway lui fait, c'est de ne pas être dans la réalité, d'être loin peut-être de l'histoire avec un grand H, et puis de ne jamais oublier sa tragédie personnelle. Donc c'est finalement le reproche d'être un peu trop égocentrique. Oui, un écrivain autocentré, oui. C'est intéressant parce que un autre écrivain qui admirait beaucoup Fitzgerald, c'était Dos Passos. Alors, pour le coup, voilà un écrivain qui était complètement, intégralement plongé dans l'histoire. Mais il voyait quand même chez Fitzgerald cette rédemption poétique, cette, je ne sais pas si on peut parler de transcendance de l'histoire par la poésie, mais quelque chose de cet ordre-là. Mais en même temps que Fitzgerald est très autocentré, la matière de sa vie constitue quand même une grande partie de son écriture. Hein. En même temps, cette réflexion sur soi est en accord d'une certaine façon avec un moment de l'histoire, les années 20, hein, où il y a une espèce de mise en scène de soi, et je pense que le mot mise en scène est important parce que l'univers qui fascine le plus Fitzgerald est sans doute celui de la scène. Hein. Il a écrit une pièce de théâtre qui a fait un flop complet. Il aurait voulu être dramaturge. Quand il est à Princeton, il fait partie de différents clubs où il joue sur scène, il écrit des scénarios. Voilà. Et donc, cette mise en scène de soi, et je pense que dans mise en scène aussi, il faut entendre la distance. Hein. C'est pas juste l'écriture confessionnelle où il parle de lui directement. Je pense que tous ces romans et toutes ces nouvelles le montrent. Mais elle correspond aussi, je pense, à un temps de l'histoire. Donc, certes, il n'est pas préoccupé des grands sujets historiques, comme a pu l'être Hemingway. Hein. Il ne s'engage pas de cette façon-là, mais c'est un autre rapport, sans doute, à l'histoire qui s'instaure chez lui. Oui, puis après tout, la littérature, ce n'est pas forcément les grands sujets historiques. En plus, non, on est d'accord. Alors quand même, on a l'impression que vous êtes un tout petit peu d'accord avec Hemingway, parce que dans votre livre, au fond, on parle assez peu de Fitzgerald et on parle quand même beaucoup d'Hemingway. Est-ce que pour vous, dans l'histoire littéraire, dans l'histoire, voilà. Est-ce que pour vous, il y a quand même un braquet différent? À la fin des fins, vous préférez Hemingway? Non, je pense pas que c'est une question de préférence personnelle. Ce qui est intéressant, puisque vous parlez de cette histoire de la littérature américaine, c'est, et je le refeuilletais là, on a classé, évidemment c'est toujours compliqué, c'est un livre pour les étudiants, hein, donc il faut dire beaucoup de choses en peu de pages, il faut être synthétique. Bon, donc, Il y a des encadrés, il faut éviter les clichés, mais en même temps pas partir dans des analyses trop pointues, etc. Mais on avait classé Fitzgerald, classé, je ne sais plus dire, on l'avait mis dans le chapitre qui correspond aux nouvelles américaines. Voilà. On a deux chapitres sur la nouvelle américaine, short story, et on a classé Fitzgerald dans ce deuxième chapitre sur la nouvelle américaine, et c'est une manière aussi de dire qu'il est, je pense, un grand nouvelliste. Et pourtant, ces nouvelles étaient d'abord alimentaires, et ce sont ces romans quand oui, même alors, il y a tout, qui restent. Philip Jaworski en parle très bien dans l'introduction à la Pléiade, là, à l'édition Pléiade. Il y a effectivement Fitzgerald lui-même a quelque part entretenu le mythe de la nouvelle purement alimentaire. Mais en même temps, les nouvelles sont extrêmement, extrêmement riches. D'abord, il en a écrit 113, plus les nouvelles de Pat Hobby, donc peut-être 130, quelque chose comme ça. C'est une production considérable. Alors certes, ça lui permettait, parce qu'il avait des contrats assez juteux avec des grands journaux à grande diffusion nationale, comme le Saturday Evening Post, ça lui permettait de gagner sa vie, mais en même temps, il mettait là-dedans beaucoup, et il était extrêmement perfectionniste. Jaworski montre très bien comment Tender is the Night s'est nourri de l'écriture de plusieurs nouvelles, et Gatsby aussi, comment il y a des allers-retours entre l'écriture des romans et l'écriture des nouvelles. Les nouvelles sont un peu comme le laboratoire de l'écriture de Fitzgerald. Et puis, il y a des petits bijoux là-dedans. Hein. Le palais de glace, voilà, un diamant gros comme le Ritz. Enfin, il y a plein de choses qui sont absolument magnifiques dans les nouvelles. Donc, ça nous intéressait de classer Fitzgerald là parce que la nouvelle, c'est un genre majeur de l'histoire littéraire américaine aussi. Vous me posiez la question au début hein, de cette essayer de caractériser la littérature américaine. Je pense que contrairement à la littérature française, pour le coup, la nouvelle est assez... Il y a des grands nouvelles. Mais ça l'a été peut-être au 19e. Ça l'a été, Maupassant, bien sûr. Mais aux États-Unis, c'est un genre absolument majeur. Et on a des écrivains de nouvelles qui sont des joyaux de la littérature américaine. Je pense que Fitzgerald en fait partie. D'ailleurs, au même titre que Hemingway, bien sûr, hein, et au même titre que Faulkner, puisque si on prend des écrivains de la même époque. Et donc, je ne pense pas qu'il soit moins important, mais il a un impact. Alors, il a été très célèbre aussi aux États-Unis, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Hein. Il a connu la célébrité, donc c'est un auteur très lu. Et je pense que sa fortune critique est moins grande que celle d'Hemingway. Pour ma part, je n'ai pas une appréciation plus négative de l'un ou de l'autre. Je pense que ce sont deux géants de la littérature américaine. Alors, des nouvelles, vous en avez traduit. Oui. Dans La Pléiade, le recueil Garçon et philosophe. C'est quoi? C'est des garçons vus par des philosophes, globalement, ces nouvelles? Non. Ah, mais je crois que le titre en double, hein, Garçon et philosophe, un peu comme beau et damné, le « et » est important. C'est-à-dire qu'il y a deux versants. Hein. Il y a les garçons, c'est-à-dire les flappeuses, ces jeunes filles modernes des années 20 qui représentent l'émancipation féminine et l'émancipation sociale en général. Et puis, il y a tout un attrait. Alors, je pense que c'est des nouvelles, c'est les premières nouvelles de Fitzgerald, hein, celles qu'il écrit dans les années 1919, 1920, 1921, en même temps qu'il écrit Loin du paradis. Donc, il est encore proche, il est encore étudiant, ou il a été étudiant peu avant. Et il a lu d'ailleurs un certain nombre de philosophes. Hein. Il a lu Bergson, il a lu Schopenhauer dans ces années-là. Mais tout le monde sait que Fitzgerald est un étudiant raté. Il a complètement raté ses études à Princeton. Il a redoublé sa troisième année. Il n'a même pas eu de diplôme pour finir. Et donc, il y a un côté un peu ironique d'introduire des philosophes à côté des garçons, comme si les uns allaient subvertir les autres. Et réciproquement, il y a une nouvelle très intéressante qui s'appelle « La tête et les épaules », qui raconte l'histoire d'un jeune couple dont le jeune homme est un mathématicien de génie, un philosophe de génie, et la jeune fille est une flappeur, en quelque sorte. Et puis, l'histoire, je ne vais pas la raconter en entier, mais est une histoire d'inversion. Le jeune homme ne parvient plus à faire de la philosophie, il se découvre un talent d'acrobate de cirque, et la jeune fille se retrouve confinée dans sa chambre, et elle écrit un roman, elle devient une romancière géniale. C'est un peu autobiographique, mais inversé avec Zelda. Ça. Et je pense que l'histoire de l'inversion est très importante. Hein. Chez Fitzgerald, il y a ces effets de double, de spectralité. Je reviens à la fêlure, hein, mais il y a toujours cette chose-là. Et donc, Garçon et philosophe, c'est un petit peu ça. C'est des histoires de renversement, le philosophe n'est pas celui qu'on croit ou n'est pas celle qu'on croit, et la garçonne n'est pas... Il y a beaucoup de choses sur le genre aussi à dire chez Fitzgerald. Le genre, oui, au sens comme, de gender. Tout comme la garçonne est une adolescente, mais en même temps une adolescente qui n'est pas pure, une adolescente absolument, qui sait exactement ce qu'elle veut, absolument, et qui n'est pas naïve. Son nom même de garçonne signale une certaine ambiguïté, une ambivalence générique et un rapport à la sexualité qui accompagne aussi le changement des mœurs, hein, le changement social aux États-Unis à cette époque. Bon, il n'est peut-être pas tellement repris par les études de genre aux non. États-Unis, non. Alors qu'en effet, non. Il y a pourtant une évidence oui, c'est vrai. À l'utiliser de cette manière-là. Oui, mais bon, sans doute parce que Fitzgerald ne s'engage pas, je veux dire, en faveur, il ne milite pas en faveur d'une fluidité des genres. Il constate peut-être, ou il étudie ce nouveau style de femme, j'allais dire genre, mais c'est un peu ambigu, ce nouveau style de femme, mais il n'en tire pas une leçon politique ou... sur la sexualité en général. C'est peut-être un peu trop tôt aussi. Sans doute. On écoute justement un extrait de Loin du paradis avec ce portrait du personnage d'une garçonne, Rosalind. Pendant de longues périodes, elle hait cordialement sa famille. Elle est totalement dépourvue de principes. Sa philosophie est carpe diem. Elle adore les histoires choquantes. Elle a ce soupçon de grossièreté qu'on trouve souvent chez les natures les plus riches. Elle souhaite qu'on l'aime, mais si on ne l'aime pas, elle n'en est ni tourmentée, ni modifiée. Elle n'a rien d'une personne exemplaire. L'éducation d'une belle femme consiste à connaître les hommes. L'un après l'autre, ils ont déçu Rosalinde en tant qu'individu, mais sa foi dans le sexe masculin reste entière. Elle déteste les femmes. Elles incarnent ce qu'elles sentent et méprisent chez elles-mêmes, une tendance à la mesquinerie, à la vanité, à la lâcheté et une petite malhonnêteté. Elle a annoncé un jour à un plein salon d'amis de sa mère que la seule justification des femmes était la nécessité d'un élément de trouble chez les hommes. Elle danse exceptionnellement bien, dessine habilement mais hâtivement. Et manie le langage avec une étonnante facilité qu'elle n'utilise que dans les lettres d'amour. Mais toute critique contre Rosalinde se tait devant sa beauté. Il y a le ton de ses somptueux cheveux blonds, dont les efforts d'imitation font vivre l'industrie des teintures, l'éternelle bouche du baiser, petite, légèrement sensuelle, totalement troublante, les yeux gris et une peau irréprochable, où jouent deux traces de rose. Elle est svelte et vigoureuse, et c'est un ravissement de la voir évoluer dans une pièce, marcher le long d'une rue, balancer un club de golf ou faire la roue. Une lecture par Guillaume Gallienne. Qu'est-ce que vous aimez dans ce livre, Antoine Cazé ? C'est la fantaisie, je crois, c'est ce qui me viendrait en premier. C'est-à-dire, c'est un livre qui est un petit peu foutraque. Il n'y a pas de construction très nette. Un peu décousu. Un peu, oui, c'est rien de le dire. Ça part un peu dans tous les sens. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ce que je trouve extraordinaire, c'est l'espèce de double autoportrait. Je sais pas si on peut parler d'un double portrait, autoportrait de Fitzgerald, on a l'impression qu'il parle de lui-même, utilisant le langage avec intuition et grâce. Et puis, il parle de Zelda aussi, la danse, voilà. Donc ça, c'est extraordinaire. Et puis aussi cette distance, c'est-à-dire qu'il commence par dire, elle n'aime pas les femmes. Et ensuite, le portrait que fait l'écrivain de cette femme-là est d'une sensualité extraordinaire. Il a un regard, extrêmement fin, sur à la fois quelque chose d'un peu classique de la féminité et une modernité. Hein. Elle est svelte, elle n'a pas de scrupules, elle dit ce qu'elle pense. Et tout le livre est un peu comme ça. Et en même temps, le livre est aussi pétri de contradictions. Je pense que la contradiction n'effraie pas Fitzgerald. Et voilà. Il y a même peut-être une esthétique, si ce n'est de la contradiction, au moins du disparate. Oui. Quelque chose qui lui plaît précisément dans cet aspect-là. Tout à fait. Peut-être quelque chose de l'ordre du Fitzgerald est aussi, je pense, un des écrivains qui s'est beaucoup approprié une forme de culture populaire aussi. Et ça, c'était relativement novateur, me semble-t-il. On pouvait le faire aux États-Unis, très clairement, sans tomber dans la littérature de genre, la littérature policière ou les bluettes ou les pop qui étaient très en vogue à l'époque. Sans tomber là-dedans, Fitzgerald se saisit d'éléments de culture populaire. Alors, je dis populaire au sens peut-être, il faudrait nuancer. Mais, comme par exemple Non, le musical, par exemple, hein, des choses comme ça. Oui, le jazz un peu plus tard, mais d'abord le musical, et il se saisit de ça, il en saisit très bien l'esprit, et il le marie à l'univers de Princeton, qui est quand même l'univers de la Ivy League, très huppé. Mm-hmm. Donc on a ce clash, ou peut-être moins un clash, comme vous dites, quelque chose de l'ordre de la disparate, hein, d'un côtoiement des contraires qui ne se résolvent pas, où il n'y a pas de synthèse. Loin du paradis ne n'offre pas une synthèse, mais plutôt une collection de vignettes extrêmement subtiles. Merci beaucoup, Antoine Cazé. Je rappelle que vous avez donc fait paraître à plusieurs, hein, une histoire de la littérature au PUF en 2010, l'histoire de la littérature américaine, qu'elle va reparaître. On sera attentif à cela. Vous avez également collaboré au premier volume des œuvres complètes de Fitzgerald, paru en Pléiade en 2012. Et puis, on vous doit plus récemment une nouvelle édition de Cro-Blanc de Jack London, paru le mois dernier chez Folio Classique. Avec Marc Amfreville également. Avec Marc Amfreville. Tout de suite, la chronique. Merci. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Chronique du jeudi avec aujourd'hui Marc Poret, professeur de littérature anglaise à l'ENS et Paris 3. Bonjour Marc. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'un grand critique littéraire américain mort en 2003 et aussi de la virilité en Amérique, hein, c'est cela ? Oui, j'ai voulu prendre le titre « La littérature garçonne » par le côté garçon et m'inspirer aussi peut-être de l'actualité récente. Nous avons vécu une semaine de diplomatie internationale placée sous le signe de la bromance. Alors bromance, c'est un mot valise, hein, comme portmanteau word, comme le disent les Américains, les Anglo-Saxons. Et donc c'est brotherhood d'un côté, la fraternité, et romance, l'histoire d'amour de l'autre. Donc, c'est Macron et Trump. Ah, voilà, la bromance. Macron et peut-être les jumeaux coréens, on ne sait pas. Ah, hein. Oui. En tout cas, quelque chose de l'ordre de la camaraderie virile, de la fraternisation masculine. Et Leslie Fiedler, hein, dont je souhaitais parler ce matin, donc ce grand cet critique après-midi, littéraire américain. Ce grand critique littéraire par qui le scandale arrive, l'universitaire si peu académique, Eh bien, lui voit la littérature américaine entièrement sous le signe de la relation homo-érotique, pour ne pas dire homosexuelle, entre personnages masculins qu'unissent qu'unit la même peur des femmes. Alors, avant de parler de ça précisément, peut-être revenir un peu sur Leslie Fiedler lui-même, qui est mort en 2003. Qui était-il ? Qui était-il ? C'était un juif du New Jersey qui n'a pas eu une éducation de type Ivy League. Et donc, du coup, c'est son côté non-conformiste qui l'emporte. Et qui est un penseur culturel. C'est quelqu'un qui a envisagé de psychanalyser l'Amérique et d'étudier les grands ouvrages majeurs de la littérature américaine sous le signe de l'anthropologie, sous le signe de la psychanalyse. Et on lui doit trois ouvrages majeurs en particulier, An End to Innocence, 1955, The Return of the Vanishing American, il y a un spectre qui hante la littérature américaine, ce spectre c'est l'Indien, mais l'Indien fait toujours retour, ça c'était 1968, et puis son grand classique, son chef-d'œuvre, c'est Love and Death in the American Novel, 1960, l'amour et la mort dans le roman américain. Que peut-on apprendre justement de l'Amérique et de l'amour On y apprend que l'amour américain, contrairement à l'amour européen, c'est-à-dire que Fiedler se place par rapport à la tradition du roman américain et du roman européen, pardon. Et le roman américain s'en inspire et s'en détourne. C'est-à-dire ce que le roman américain trouve dans le roman européen, qui est la matrice, c'est le culte de l'amour courtois, d'une part, et puis le roman gothique, la terreur. Et donc, ce que fait le roman américain, c'est qu'il prolonge en l'amplifiant la veine sentimentale, d'accord, avec l'idéalisation de la femme d'un côté, tout en cultivant le côté plutôt terreur, obsession, fascination pour la mort, pour l'autodestruction. Et donc, du coup, là où le roman américain place l'adultère sur un piédestal, le roman américain, lui, va privilégier l'amitié entre les hommes. Mm-hmm. Et donc, si on veut commencer à faire une transition du côté de Fitzgerald, dans The Great Gatsby, il y a effectivement, on retrouve cette admiration, en tout cas profonde, qu'éprouve le narrateur Nick Carraway pour Gatsby. Et là, on peut retrouver quelque chose de ces grands couples d'amants ou d'amis qui peuplent la littérature américaine. C'est une histoire d'homme, finalement. C'est une histoire Gatsby. D'homme. C'est une histoire d'homme, et ça n'est jamais que ça. Une histoire d'homme, alors avec la différence, c'est que, a priori, Fitzgerald rompt avec cette tradition-là, puisqu'il n'y a pas de la veine épique, il n'y a pas la différence raciale, qui constitue aussi l'un des points cardinaux de la littérature américaine. La littérature américaine, c'est par exemple Ishmael et Quick Egg, le polynésien cannibale et puis le blanc. Ou bien encore, c'est le trappeur Natty Bumppo et puis c'est le chef indien. Ou encore, c'est Huck. Huckleberry Finn de Mark Twain, et puis son amitié avec l'esclave Jim. Et donc, tout ça, a priori, Fitzgerald y renonce, mais jamais vraiment. Et tout à l'heure, on parlait de gender, on parlait de cette fluidité des genres. Là, c'est une autre manifestation de cette volonté, peut-être, de rompre avec le matriarcat américain. Ah oui. La peur de la femme blanche, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est ça que les Européens projettent beaucoup, en tous les cas, sur la femme américaine, comme l'a montré Philippe Roger dans son livre « L'ennemi américain ». Merci beaucoup, Marc Poré. À très bientôt. Et c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au dernier jour de notre série consacrée à Francis Scott Fitzgerald. Mais comment évoquer cet écrivain sans la femme qui a été à la fois sa muse et l'amour de sa vie, qui était elle aussi écrivain? Je veux évidemment parler de Zelda Fitzgerald. Nous en parlons à présent avec Gilles Leroy, qui lui a consacré un roman, Alabama Song, prix Goncourt 2007 au Mercure de France. Il est également l'auteur, évidemment, de nombreux autres livres. On peut citer Le Château Solitude aux éditions Grasset en 2016 ou encore Zola Jackson sur l'ouragan Katrina publié en 2010. Pour repartir dans cette seconde partie, une lettre de Zelda à Scott, elle date du printemps 1919. J'ai passé la journée au cimetière de Montgomery, qui n'est pas vraiment un cimetière, tu le sais, à essayer d'ouvrir la grille d'un caveau creusé au flanc de la colline. Elle était humide et rouillée, couverte d'étranges fleurs d'un bleu délavé, larmoyante, qui avait peut-être poussé dans l'œil vide du mort, visqueuse au toucher, d'une odeur maladive. Les garçons voulaient que j'y entre pour éprouver mes nerfs. La nuit tombait, et je voulais vraiment ressentir ce mort-là. William Redford, 1864. Pourquoi les tombes donneraient-elles le sentiment de la vanité de l'existence ? Je ne vois rien de désespérant au fait d'avoir été vivant. Toutes ces colonnes tronquées, ces mains jointes, ces colombes, ces anges, parlent d'histoire d'amour. Et je crois que dans une centaine d'années, je serai très heureuse d'entendre des jeunes gens discuter à l'infini pour savoir si j'avais les yeux bleus ou marrons. Ni l'un ni l'autre, bien sûr. J'espère que ma tombe fera penser à des temps anciens, très anciens. N'est-ce pas étrange que dans l'allée réservée aux soldats confédérés, il y ait deux ou trois tombes qui évoquent des amants morts, des amours mortes, alors qu'elles sont exactement comme les autres, couvertes de la même mousse roussie? C'est si beau, si terriblement beau, ces anciens morts. Nous mourrons ensemble, je le sais, mon amour. Et dans un sens, en effet, ils sont morts tous les deux ensemble, à quelques années d'écart, Scott et Zelda. Bonjour Gilles Leroy. Bonjour. C'est une lettre évidemment très mélancolique, c'est une lettre de leurs années de jeunesse, mais oui, qui est déjà tournée vers la tombe, vers la fin. Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est que on voit le principal talent de Zelda dans l'écriture, qui à mon avis, du côté de sa correspondance, hein, beaucoup plus que du côté de son unique roman ou des nouvelles qu'elle a pu écrire ou co-signer avec Scott, la correspondance de Zelda a vraiment eu des lettres absolument magnifiques. Parce que quand elle co-signait des nouvelles, en réalité c'était quand même Scott qui les écrivait. Ou l'inverse, il lui est arrivé de co-signer des nouvelles, quelques nouvelles qu'elle avait écrites elle. Oui. Donc ça n'est pas un grand écrivain, Zelda Fitzgerald, selon vous, Gilles Leroy? Alors là, c'est vraiment une question très compliquée dans la mesure où elle a, tout mon roman consiste à expliquer comment elle a été empêchée d'écrire par la situation dans laquelle elle était, dans le couple qu'elle formait avec Scott, et elle se retrouve dans une situation classique d'épouse d'écrivain. Être épouse d'écrivain, c'est très bien. Si on veut pas écrire soi-même, si on veut écrire soi-même, ça devient très compliqué. Ou ça peut s'inverser, hein, compagnon de romancière. Enfin bon, c'est la difficulté que je décris dans mon roman, et qui je crois était la difficulté de leur relation, et celle vraiment de ce qui va devenir une compétition au fur et à mesure du temps autour de l'écriture et de cette comment dire les choses pas trop violemment, de cette façon que Scott a de la persuader qu'elle ferait mieux de ne pas écrire. Parce qu'il y a des témoignages un peu inverses aussi, qui disent que finalement Zelda était heureuse quand Scott était empêché d'écrire par des mondanités, et que finalement la jalousie allait aussi dans ce sens-là. Oh, des témoignages, c'est toujours les mêmes qui témoignent de ça. C'est qui? Ouais, c'est par le biographe Broccoli qu'on lit ça, et puis c'est ce que disait Hemingway. Hein, donc c'est toujours les mêmes, parce que Broccoli répète Hemingway. Donc c'est un peu depuis il y a eu quand même d'autres voix qui se sont fait entendre grâce à la fille de Scotty, et voilà, donc on sait quand même d'autres choses maintenant, mais c'est vrai que Zelda a été un peu dans pour certains biographes et un peu sous l'influence d'Hemingway et de quelques amis du couple, elle a été accusée, hein, de d'être celle par qui le malheur était arrivé à Scott, ou soi-disant elle l'aurait poussé à boire, ce qui est sûr lorsqu'on connaît les mécanismes de l'alcoolisme, personne ne pousse quelqu'un à boire, ça n'a aucun sens. Donc voilà, elle a été un peu diabolisée quand même par une partie de l'entourage, je pense aux Murphy aussi, qui étaient leurs amis sur la Côte d'Azur. Enfin, elle n'a pas été forcément bien aimée par les amis de Scott. On le sent, du coup, dans votre livre, qui n'est pas une biographie, qui est un roman, vous vous glissez dans la tête de Zelda. Et à travers ses yeux, vous regardez Hemingway, que Zelda présente comme l'écrivain le plus pute et la gloire montante de notre pays. Ils ne s'aimaient pas les deux, vraiment ils ne s'aimaient pas. Et ça a été clair, mais dès la première poignée de main, dès que Scott les présente l'un à l'autre, ça se passe très très mal. Il y a une sorte de, je crois, une sorte de réaction un peu animale de l'un à l'égard de l'autre. Zelda montre dans ses témoignages sur Hemingway qu'elle ne le croit pas sincère. Ce en quoi son intuition est assez juste, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment remercié Scott de ses bienfaits, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que Hemingway, d'un autre côté, vous parliez de la peur des femmes, mais a vraiment peur de cette femme, visiblement. Il était terrifié par cette garçonne, s'il y a bien quelqu'un qui peut incarner les garçons à l'époque, c'est elle. Donc c'est peut-être même le modèle de la garçonne d'une certaine façon. Pour les années 20, oui, c'est sûr qu'elle elle incarne ça. Mais c'est pas antinomique de l'amour avec Scott, par exemple, parce que ce qui marche dans leur couple, ce qui fonctionne très bien sur un niveau presque de publicitaire. Dans les premiers succès de Scott, c'est que ils incarnent la liberté et la liberté passant aussi par une forme d'égotisme, d'individualisme. On en parlait plus tôt sur l'histoire de la littérature américaine. Il n'y a pas de liberté sans individualisme. C'est un peu de leur point de vue à eux. Je crois, oui. C'est-à-dire que sans être un spécialiste de la littérature américaine, j'ai l'impression quand même que hormis la religiosité qu'on évoquait plus tôt, il y a aussi cette idée que pendant très longtemps, c'est une littérature de pionniers, de grands espaces, de face au monde, voilà, de conquête, de conquérants, et que tout à coup, le Fitzgerald et son parrain, enfin, et Zelda propose une autre façon d'être américain et d'être libre soi, quoi, d'inventer sa vie et en tournant le dos peut-être au modèle pionnier conquérant. Ouais. Alors justement sur ce qui a été dit dans la première partie de cette émission et puis aussi dans la chronique de Marc Porré sur la fluidité des genres, la question de la garçonne, vous faites dire, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, à Zelda que finalement elle a épousé un homosexuel d'une certaine manière c'est pour ça qu'elle l'a épousé. C'est pas si simple que ça. Alors, ce qui est intéressant avec Zelda, c'est que si Scott n'a pas beaucoup lu ni beaucoup étudié, Zelda en autodidacte a beaucoup lu, elle. Et dans le désordre, c'est parfois pas très maîtrisé, on va dire. Mais elle s'est intéressée notamment au début de la psychanalyse. Elle a lu ça, ça l'intéresse. Et elle s'intéresse, alors elle est plus jungienne que freudienne, mais elle s'intéresse à la, comment on dit, je retrouve pas le mot, au fait que nous soyons tous hommes et femmes, enfin à la part féminine et à la part masculine en chacun. Elle le théorise, ça, dans quelques lettres qu'elle adresse à Scott, et qui sont très éclairantes parce que Scott, visiblement, ne sait pas trop de quoi elle parle. Et elle sait très bien de quoi elle parle. Donc elle a en elle cette certitude que l'être est complexe, est ambigu, et contient donc les deux parts, féminine et masculine, ce qui l'aide aussi peut-être à lire les choses différemment. Et elle voit à un moment, oui, elle voit Hemingway comme un rival possible dans le cœur de Scott. Sans aller jusqu'à parler d'homosexualité, elle voit dans cette relation quelque chose qui selon elle, dépasse strict. On est dans la bromance là pour le coup, mais la bromance vécue malheureusement, enfin dans la douleur. Oui, alors qu'avec Trump et Macron, on ne sait pas encore si ce sera vécu dans la douleur. Ça a l'air d'être une idylle. Oui, ils se tiennent par la main. Feu de Dieu. Alors, elle est fluide aussi dans son identité pour ce qui concerne son métier, sa profession. Donc, elle veut être écrivaine, mais elle veut aussi être peintre, elle veut aussi être danseuse étoile. D'ailleurs, elle est toutes ces choses-là. C'est-à-dire que d'abord, elle écrit. Elle souhaite écrire. Et si elle passe à autre chose, c'est parce que elle a ses premiers troubles mentaux qui la précipitent assez vite, même très vite, dans une première clinique psychiatrique. Où on l'aperçoit peu à peu que... Et là, il faut quand même reconnaître que les lettres à Scott sont assez éclairantes. Les rapports de Scott avec les différents directeurs d'établissements psychiatriques sont un peu étonnants. Disons qu'on persuade Zelda qu'écrire est mauvais pour sa santé mentale, que l'écriture n'est pas ce qu'il lui faut. Et logiquement, donc, c'est vrai que dessiner ou peindre, c'est mieux. C'est plus féminin, peut-être. Je sais pas. Il y a c'est assez souvent, hein, cela dit, qu'on fait dessiner les malades mentaux. Hein, c'est assez. Mais là, venant de Zelda, c'est assez étonnant comment on s'obstine à lui dire qu'il ne faut pas qu'elle écrive. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que le seul livre qu'elle écrit, le seul roman qu'elle écrit, c'est lorsqu'elle est internée. Alors, pas en Europe cette fois, mais à Asheville, en Caroline du Nord, et où le directeur de l'établissement n'écoute pas les recommandations de Scott, et lorsque Zelda demande une machine à écrire et du papier, il lui fournit du papier et une machine à écrire, et donc elle écrit son unique roman « Accordez-moi cette valse ». Dont Scott trouve que c'est une espèce de calque, de ressuscité de sa propre littérature. Ah, c'est pire que ça, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un sale coup que lui fait Zelda, si on peut dire, bien que ce soit pas son principe à elle. C'est-à-dire qu'elle raconte l'histoire qu'elle a vécue en France, l'histoire d'amour qu'elle a vécue en France avec cet aviateur français, Josan. Et le sale coup pour Scott, c'est que cette histoire était censée devenir un pivot de Tendre et la nuit. Donc, en fait, c'est... Scott lui vole une partie de son intime. Ouais, alors ce qui est con, c'est que c'est l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que Scott n'a cessé de piller dans les journaux intimes de Zelda la matière pour décrire tous ces personnages féminins. Et au moment où elle se sert de sa vie pour raconter sa vie, il estime qu'elle l'a volé, qu'elle a pillé son futur roman. Mais le problème, c'est que ça fait 9 ans qu'il a mis 9 ans à écrire ce livre. Donc Zelda, non seulement se sent libre d'écrire sa propre vie, mais en plus, le roman, elle sait pas très bien où il en est à l'époque. La compagnie des auteurs, vous écoutez bien France Culture et nous parlons maintenant de Zelda Fitzgerald. On parle plus de Scott ou encore un petit peu, mais on parle surtout de Zelda. Il faut peut-être raconter un peu sa biographie, plus précisément Gilles Leroy. Elle naît le 24 juillet 1900 à Montgomery. Elle a 4 ans de moins que Fitzgerald. Et alors, contrairement à son mari, chez qui on sent la fêlure, alors la fêlure, elle va évidemment arriver plus tard, mais au départ, c'est une femme qui est en apparence sans faille. C'est une jeune fille forte, hein, Gilles Leroy. Une jeune fille forte avec quand même des singularités. On parlait de... Mais elle aime le foot, elle embrasse tous les garçons, c'est la reine des papillons. C'est pour ça que le terme garçon est intéressant, c'est parce qu'elle commence par être un garçon manqué. Et par se mesurer aux garçons, ça c'est très important. Enfin, ça m'a frappé lorsque j'ai commencé à m'intéresser à elle, à quel point dès son enfance, elle, plus que d'avoir des relations avec les petites filles, les fillettes et tout, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir des relations avec les garçons, mais pour aller au combat avec eux quand même un peu. Il y a des scènes étonnantes où elle raconte comment elle va. Il y a une gravière à Montgomery, donc sa ville en Alabama. Et il monte à la gravière avec des garçons, et c'est à qui plongera le plus haut de la falaise. Et évidemment, c'est elle qui plonge, qui va le plus haut, qui les met au défi. Elle fait beaucoup de bruit dans la ville parce qu'elle s'accroche au cul des camions ou des voitures sur ses patins à roulettes, ce qu'on verra faire nous bien des années plus tard, presque un siècle plus tard en France. Mais donc elle a un côté comme ça très physique. Très physique. Et j'ai souri lorsqu'on entendait tout à l'heure cet extrait où Scott parle d'une jeune fille qui fait la roue. C'était l'une des particularités de Zelda. Voilà, c'est quelqu'un qui a un corps et qui s'en sert, ce qui est en soi déjà une première prise de liberté pour une femme de son époque. Et le fait important qui expliquera pourquoi à un moment de sa vie elle essaie d'être danseuse, c'est que sa mère l'a poussée à devenir danseuse. Et là, puisqu'on parle de sa vie, faut parler plutôt d'un destin. Enfin, à mon avis, il y a un truc de l'antique chez Espinage de Zelda, tout simplement parce que c'est un réseau de signes qui l'amène de la naissance jusqu'à la mort. Et ce signe principal chez elle, c'est le feu. Elle s'appelle Zelda parce que sa mère, Minnie, a été amoureuse, enfin, je sais pas si on va être amoureuse d'un livre, on va dire entichée d'un livre qui s'appelait La Salamandre, et dont l'héroïne était une gypsy qui s'appelait Zelda, était une danseuse. Et donc, la salamandre, vous savez, c'est cet animal fabuleux qui traverse le feu sans se brûler. Et c'est comme si la mère inconsciemment avait donné le là, comme ça, le premier fil d'une trame qui va conduire jusqu'à la mort de Zelda dans les flammes de l'hôpital psychiatrique d'Asheville. Alors que le feu émaille, mais toute sa vie. Il y a des incendies très régulièrement dans son existence, et ce qui m'a beaucoup frappé chez elle, et que j'essaie de retranscrire dans mon roman, parce que pour un romancier, évidemment, tous ces signes font un destin et font un personnage, quoi. Ouais. Un vrai personnage de roman. Alors, c'est une jeune fille très populaire, et il y a cette histoire qui est quasiment un roman aussi qu'on pourrait raconter, de ces deux jeunes pilotes qui étaient amoureux d'elle et qui font des loopings au-dessus de sa maison, Gilles Leroy. Et oui, et dont l'un se crache un jour, et justement l'avion part en torche. C'est le premier grand incendie de sa vie, et aussi le premier grand aviateur de sa vie. Il y en aura un autre donc en France, cet aviateur dont elle tombera amoureuse sur la Côte d'Azur. Mais oui, elle est comme vous dites populaire au sens où elle séduit au sens américain où elle séduit les garçons, et elle est promise, elle appartient, contrairement à Scott qui est un déclassé, elle appartient à l'aristocratie de l'Alabama, dans le sud profond. On parle d'aristocratie. Même si c'est pas des nobles, on parle d'aristocratie. Et vraiment, dans Montgomery, lorsqu'elle naît, elle habite une belle demeure, évidemment, mais l'avenue sur laquelle elle habite porte le nom de son grand-père. C'est-à-dire que ses grands-parents ont fondé la capitale de l'Alabama. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est d'un très bon milieu et qui est promise à autre chose qu'à un écrivain, puisqu'elle est censée épouser un futur sénateur, enfin, un quelconque homme politique. Alors, elle voit la fêlure chez Scott, elle aime d'une certaine façon cette fêlure, elle reconnaît qu'il y a en face d'elle justement une personnalité qui est une personnalité déclassée, puis elle est assez sensible justement à ça chez lui. Et elle-même, elle a une famille qui est une famille, comme vous le disiez, très prestigieuse, mais enfin qui est une famille où il y a beaucoup de suicides, où il y a beaucoup de cas de folie. Est-ce que Zelda était folle? Est-ce qu'elle a hérité, c'est un peu brutal de le dire comme ça, de la folie familiale, Gilles Leroy? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre. J'ai simplement rencontré de jeunes psychiatres américains après avoir écrit le livre qui m'ont dit qu'ils étaient à nouveau intéressés au cas de Zelda et à son diagnostic de schizophrène, parce que lorsqu'elle sera diagnostiquée schizophrène, c'est au milieu des années 20, en Europe, toutes les femmes à cette époque, toutes les femmes qui ont des troubles mentaux sont schizophrènes, quoi qu'il arrive. Donc on ne sait pas exactement de quoi souffrait Zelda, si ce n'est qu'elle a été traitée comme une schizophrène, avec vraiment l'artillerie lourde, c'est-à-dire les électrochocs, mais aussi les bains glacés, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, elle a même eu cette chose horrible qui s'appelle la cure sucrée. Je sais pas, je traduis bêtement les mots américains, mais qui consistait à rendre quelqu'un diabétique, à lui injecter de l'insuline. Enfin, un truc, mais une torture, quoi, torture. Un peu comme l'histoire aussi de la sœur de Tennessee Williams. Mais toutes ces expérimentations psychiatriques. Bien sûr, oui, c'est vraiment une époque assez particulière pour ça. Et elle en sera victime comme beaucoup d'autres. Donc, je sais pas. Quoi dire d'elle, si ce n'est que en lisant surtout ses lettres et en essayant de comprendre ce qui avait pu se passer, elle m'a plutôt paru comme une maniaco-dépressive, une bipolaire, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qu'il fallait peut-être traiter, mais certainement pas de manière aussi lourde qu'elle l'a été. Voilà. Donc, étonnant et chez elle, et qu'on ne dit pas souvent, c'est que au bout d'un moment, elle a accepté ce qui est rare. Elle a accepté ce trouble mental. Et les dernières, quand ils sont rentrés d'Europe aux États-Unis, elle-même allait dans cette clinique à Asheville en Caroline du Nord, et qu'elle sentait que ça n'allait pas, qu'elle était dans une situation un peu de trop grande excitation, de trop grande dépression, elle se rendait elle-même, elle demandait elle-même à être hospitalisée. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle va périr dans cet incendie. C'est après avoir demandé à être une sorte de cure de repos, en fait. Oui, toute vie est un processus de démolition, dit Francis Scott Fitzgerald dans La Fêlure, et sans doute Zelda aurait-elle pu souscrire à cette phrase. Merci beaucoup, Gilles Leroy. Je renvoie bien sûr nos auditeurs à votre roman Alabama Song, prix Goncourt 2007. Je signale également votre dernier roman, il s'appelle Dans les Westerns, il a été publié l'an dernier, c'est au Mercure de France, il reparaîtra d'ici quelques jours en format poche chez Gallimard. C'est la fin de notre semaine sur l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald et sa femme Zelda. Mais nous revenons dès lundi 15h pour une semaine spéciale intitulée « Écrivain en résidence ». Nous irons visiter des maisons d'écrivains en Ile-de-France. Mais tout de suite, c'est la poésie avec Jacques Bonafé. Bonjour. J'ai aujourd'hui devant moi une barre de silence fatiguée, l'éclat lumineux du sol, le plein jour. Qu'est-ce que nous avons qui tombe de si haut et serre à jamais le cœur? Avec je ne sais quoi d'autre qui m'aura laissé si seul, sans un mot, sans heure, dans la mélancolie brisée du nom des chambres. Véranda claire des arbres et l'éther juré du ciel mince, océan, jusqu'à la transparence verte. Ou t'atteindre. Nous feuilletons Patrick Lopin, les œuvres poétiques. Dans le tome 2, nous tombons sur l'aptitude à devenir phrase. Les poèmes brefs, les fragments, de même que la teneur harmonique et temporelle d'ensembles plus vastes, élégies, prose ou chants, portés seulement par la couche d'air, le fond de silence sur lequel ils s'élèvent, sont comme des morceaux détachés de la voix, des moments tombés du corps, ils pluralisent l'énergie vide, ils la disséminent, ils font le vide nécessaire, l'acte vif, sorte d'acte en solitaire, sans quoi j'imagine à la fin, les langues ne seraient pas. S'éprouve alors un temps de finitude qui paraît toujours irrémédiable. Ensuite, j'ai choisi ce petit bout de poème. Tu regardes l'illusion, tu voyages à point d'heure, l'éternelle allusive revient, ô pilleur de rêve, comme en un voile dans le creux sombre ému des rosiers. Et je me suis emparé de, dans le recueil, ce chiffre d'infini, l'infinité du ciel, l'étagement pur du bleu du vent. Oui, cette frêle blancheur du blanc, tu disais, c'est tout ce qui me reste, comme un souvenir oublié de nous, un bruit, l'incomparable fraîcheur du bleu, et ces maisons jaunes dans le soleil, comme des gestes de tomber, non plus face à face, non plus d'un seul tenant, maintenant, le bord des fenêtres et l'espace de ténèbres, avec sans jamais pourtant nuit des nuits enfin compter un seul instant si j'avais su, tout était déjà là, en état sincère et conviction morte, jusqu'au moment où cela cède, sonore et résistant. Et celui-ci, j'irai pas au bout mais tant pis, dans la déclinaison verbale de l'habitude des gens, je perds le vêtement de ma peau seconde, c'est toujours dans la langue des autres qu'on s'esclave. L'esclave pour moi c'est plus que des mottes d'herbe retournées et du cresson noireau de bulbes et de glaise. Les racines pleuvent, les raves suintent, un jus d'anis, de sang coudé, oui, j'écrivais contre Cossard Gésier, fils de pute de la barbarie, du trémail, de la marmaille cousue en grappe sur le chien poivré de la mortalité brutale, mordu par la pluie. Je pose ma tête dans les bras et je pleure. Malgré les parcs au ciel des yeux timides, il aurait fallu pour nous sauver que des gens franchissent le ciel à la nage. Merci à vous, Jacques Bonafé. Vous consacriez cette semaine vos lectures à Patrick Lopin.